Chapitre 12e. À bord du Kokoro, les Japonais se croyaient en sécurité complète. Comment aurait-il pu deviner que l'homme qui les filait depuis Paris avait réussi à pénétrer sur leur navire? Aussi n'avait-il organisé aucun service de surveillance. Rabascas et Browning purent donc tranquillement entrer dans le fumoir situé sous la dunette, le traverser, descendre dans la coursive où donnaient les cabines et arriver devant une porte fermée, celle des appartements des deux bandits. Froidement, Browning frappa deux coups légers contre le panneau. De l'intérieur de la cabine, un grognement s'entendit. Browning se garda bien de répondre et recommença de frapper. Cette fois, les deux associés purent percevoir un bruit de pas. La porte s'ouvrit. Le Japonais, celui-là même que Rabascas avait vu dans l'auto, apparut et tomba inerte aux pieds des deux amis. Browning, d'un coup en plein front de la crosse de son revolver, lui avait fracassé le crâne. Les deux associés bondirent à l'intérieur de la cabine. Assis sur le divan, un homme, l'individu à face de pain d'épice que Rabascas avait vu à bord du Città di Milano, fumait une cigarette. En voyant les deux associés, il se leva brusquement et voulut atteindre un revolver placé sur un guéridon en face de lui. Browning ne lui laissa pas le temps et d'un coup de pied dans le ventre l'abattit à ses pieds. « Ligotez-le, vite !» dit-il à Rabascas. « C'est l'autre qui a les papiers. » Et tandis que le Gascon, à l'aide des embrasses des rides de la porte et des hublots, garrottait solidement le misérable, Browning, ayant tiré dans la cabine le corps du Japonais, le déshabilla avec dextérité et lui enleva un sachet de papier imperméable attaché sur sa poitrine. Il contenait une douzaine de feuillets reliés ensemble à l'aide d'un cordonnet de soie et sur le premier duquel ces mots étaient écrits en gros caractères, document 31-36, plan du cuirassé sous-marin, dessiné au 250e. « Voilà notre affaire, » fit l'Américain. « Nous examinerons cela plus tard. Pour l'instant, nous allons voir acquitter ce navire d'espions. Nous ne devons pas être bien loin de la côte d'Arabie. Il ne sera facile de gagner la terre avec des ceintures de sauvetage. Mais auparavant, je vais procéder à une petite formalité. Attendez-moi ici. » Et sans donner à son compagnon le temps de lui répondre, Browning disparut dans la coursive. Pendant 20 mortelles minutes, Rabascas l'attendit. Il revint enfin, souillé de graisse et de charbon. « J'ai réussi à descendre dans une des soutes à charbon, » expliqua-t-il. « J'ai ouvert deux des soupapes Kingston. » Dans 10 minutes, le yacht coulera avec les espions qu'il a à son bord. Venez !» En silence, les deux hommes, ayant refermé derrière eux la porte de la cabine, remontèrent sur la dunette. Ils se passèrent chacun une ceinture de sauvetage autour des reins et se laissèrent glisser à la mer le long d'une corde sans que personne, à bord du yacht, se fût aperçu de rien. Comme l'avait supposé Browning, la côte d'Arabie se trouvait à moins de 3 milles dans l'est. En moins de 2 heures, Browning et Rabascas prirent pied sur une plage de sable et rallièrent un village de Bédouins dont le chef leur indiqua la route à suivre pour gagner Suez où ils arrivèrent après une vingtaine d'heures de marche. Les deux associés s'enfuirent immédiatement au consulat de France, à qui ils firent le récit de leurs aventures. Le haut fonctionnaire, après les avoir chaudement complimentés, leur fournit un billet de passage pour la France. Une semaine après, ils descendaient de train à la gare de Lyon et se rendaient à la préfecture de police. Ce fut le secrétaire du préfet, M. Gescard, qui les reçut. Rabascas, après lui avoir malicieusement rappelé leur précédente conversation, lui raconta ce qui lui était advenu depuis. Et lui remit les documents volés au ministère de la Marine. L'affaire, qu'il expliqua, était simple. Les documents avaient été volés par le commis Peltirb pour le compte des Japonais. Mais des espions anglais, qui connaissaient l'existence des documents, avaient eu vent de l'affaire. Ils avaient assassiné Peltirb pour lui enlever les plans, mais ceux-ci étaient déjà aux mains des Japonais. Les Anglais, sans se décourager, avaient assailli l'autopostale dans laquelle se trouvaient les précieux documents. Ils avaient été assaillis à leur tour, au cabaret du dernier des rapins par les Japonais. Ces derniers avaient ensuite pris la fuite en auto, emmenant des Anglais et emmenant aussi Browning. Sans l'intervention de Rabascas, le coup eut réussi. Inutile de dire que le Gascon et son associé furent complimentés et félicités, et ce qui vaut mieux, ils reçurent la récompense promise, 50 000 francs pour avoir découvert les auteurs de l'attaque postale et 50 000 francs pour avoir retrouvé les précieux documents. Quant au yacht Kokoro, sans doute dut-il sombrer, car nul n'en entendait jamais plus parler. Il n'est pas besoin de dire que les journaux publièrent le récit des aventures des deux associés, ce qui leur valut un courrier énorme. Désormais, leur réputation était faite. Ils louèrent un somptueux bureau boulevard Haussmann avec un véritable téléphone, cette fois. Ils venaient à peine d'y emménager depuis 2 jours qu'une nouvelle affaire, plus mystérieuse encore que la première, fut proposée à leur sagacité. Ainsi s'achève le document 3136, une enquête de Browning & Co. détective, par José Moselli.